Le baron et la baronne Hulot, se voyant arrivés à l'âge du repos absolu, donnèrent au comte et à la comtesse Steinbock les magnifiques appartements du premier étage et se logèrent au second. Le baron, par les soins de son fils, obtint une place dans un chemin de fer au commencement de l'année 1845 avec 6 000 francs d'appointements, qui, joints aux 6 000 francs de pension de sa retraite et à la fortune léguée par Madame Crevel, lui composèrent 24 000 francs de rente. Hortense ayant été séparée de biens avec son mari pendant les 3 années de brouille, Victorin n'hésita plus à placer au nom de sa sœur les 200 000 francs du fidéicommis, et il fit à Hortense une pension de 12 000 francs. Venceslas, mari d'une femme riche, ne lui faisait aucune infidélité. Mais il flânait, sans pouvoir se résoudre à entreprendre une œuvre, si petite qu'elle fût. Redevenu artiste in partibus, il avait beaucoup de succès dans les salons. Il était consulté par beaucoup d'amateurs. Enfin, il passa critique, comme tous les impuissants qui mentent à leur début. Chacun de ces ménages jouissait donc d'une fortune particulière, quoique vivant en famille.